Contes et légendes de Chine, le lion de pierre, recueilli et traduit par Théodore Pavy, lu par Sabine Stéphan, pour Audiocité, sous licence Art Libre. Dans le ressort du district de Chengdu se trouve le village de Chiteotang. Les habitations, construites en terre, sont très rapprochées les unes des autres et font face au fleuve. Il y a dans cet endroit beaucoup de méchantes gens, et vous en trouveriez fort peu qui pratiquent la vertu. C'était là, cependant, que demeurait un certain Qing Tongzhou, homme plein de probité, qui mettait sa joie dans l'aumône et ne se querellait point avec ses voisins. Son épouse, Chang Qi, avait reçu de la nature un caractère essentiellement doux et affable. Elle dirigeait son ménage avec zèle et économie. Cette femme donna le jour à un fils qui fut nommé Zhu Wen. Doué d'un esprit vif et d'une rare sagacité, ce jeune homme avait, à l'âge de 18 ans, lu et relu le livre des vers et les ouvrages classiques. Aussi, son père et sa mère l'aimaient comme une perle précieuse qu'on cache dans le creux de la main. Un jour, un vieux bonze vint demander l'aumône à la porte de Qingtong. Celui-ci, rajustant à la hâte ses vêtements, courut au-devant du religieux. Quand son hôte fut assis dans la salle, Qing se prosterna en sa présence et s'excusa humblement de n'avoir pas été plus prompte à accueillir sa visite. Le religieux, l'ayant aussitôt relevé, répondit « Le pauvre bonze ne savait trop s'il devait entrer ou retourner sur ses pas, et il attendait que vous vinssiez le recevoir. » Là-dessus, Qin fit préparer un repas maigre pour le bonze. Il le servit de son mieux, et quand on fut à table, il lui demanda où il allait. « Le pauvre religieux, répondit celui-ci, arrive du couvent de Wu Taichan, la montagne des cinq tours, et, voyageant comme une vapeur errante, il est arrivé jusqu'ici exprès pour vous voir. Il a quelque chose à vous communiquer. » Le grand homme, interrompit Qing, en joignant les mains avec respect, est venu demander l'aumône, ou peut-être les vivres prescrits par la loi, et dont il a besoin pour continuer sa route. Le vieux chinois serait-il assez grossier pour les lui refuser ? Voilà un homme de bien, songea en lui-même le religieux. Puis il ajouta, « Non, le pauvre bonze n'est pas venu pour demander l'aumône, mais il a su dans son pays natal qu'il doit y avoir une inondation terrible. Ainsi, faites disposer des bateaux, afin d'être prêt à fuir au jour du danger. Voilà ce que j'avais à cœur de vous annoncer. Je n'ai rien de plus à vous dire. » Qing, ayant écouté ces paroles, demanda avec empressement quel jour le fléau devait se déclarer. « Écoutez, dit le bonze, vous connaissez le lion de pierre qui est au pied de l'arcade Baozi, dans la rue de l'Est. Lorsque les larmes de sang paraîtront dans ses yeux, vous devrez être prêt à partir. Puisqu'un si grand malheur nous menace, reprit Qing, il serait bien d'en avertir tous les gens du village. Vos voisins sont tous de méchantes gens, répliqua le bonze en souriant. Quelle confiance aurait-il dans mes avis? Mais vous, Qingtong, vous avez cru en moi et vous échapperez au désastre. Et cependant, vous ne laisserez pas que d'être exposé à de grands chagrins et enveloppé dans de fâcheuses affaires. Et ces périls me coûteront-ils la vie? Non, répondit le religieux. Rassurez-vous, donnez-moi un pinceau et du papier. Je vais écrire quelques lignes que je vous laisserai afin que vous gardiez ces choses en votre mémoire. C'est le ciel qui envoie les grandes eaux et les inondations. S'il se rencontre des animaux doués de sympathie et pleins d'une généreuse reconnaissance, sauvez-les. Mais si c'est un homme, n'y prenez pas garde. Le bienfait produit l'ingratitude. La dette de la reconnaissance s'acquitte par la douleur de la prison. Qing lut ces vers sans en comprendre le sens. « Un jour à venir, lui dit le bonze, ils seront intelligibles pour vous. » Puis, après avoir achevé le maigre repas, il prit congé de son hôte. Vainement, Qing lui offrit 10 lengs à titre de présent. « Le pauvre religieux est une vapeur errante, objecta celui-ci. À quoi lui servirait cet argent ? » Et il partit, sans rien accepter. Le premier soin de Qing fut de faire part à sa femme de tout ce qu'il venait d'apprendre. Et aussitôt, ils envoyèrent au bord du fleuve jaune 3 domestiques pour louer 10 grandes barques. Pourquoi donc tous ces préparatifs ? Demandaient les gens du village. Et Ching répondit qu'étant menacé d'une inondation terrible, il rassemblait des bateaux pour échapper au fléau. Les voisins riaient de tout leur cœur à cette explication. Et Ching supportait patiemment leur raillerie. Chaque jour, il envoyait sa femme à l'arcade de la rue de l'Est voir si le lion de pierre versait des larmes de sang. Depuis plusieurs semaines, la bonne dame allait et venait, continuait le cours de ses observations, lorsqu'un jour, deux jeunes bouchers voisins du monument lui demandèrent le motif de cette démarche. Celle-ci répondit naïvement à leurs questions, et à peine fut-elle partie que ces hommes grossiers s'amusèrent à ses dépens. « En vérité, dirent-ils, il y a des êtres bien stupides et bien fous. Depuis des mois entiers, le temps est sec. Quelle inondation peut-on craindre? Et puis, qui a jamais vu des larmes de sang couler des yeux dans le lion de pierre ? Or, le lendemain du jour où ils s'étaient si bien moqués de la vieille dame, les deux bouchers, après avoir tué un porc, barbouillèrent de son sang les yeux du lion. Dès que Chanchi s'en aperçut, à sa visite accoutumée, elle courut porter cette nouvelle à son mari. Aussitôt, Chin ordonna à ses domestiques de rassembler les meubles et les ustensiles de la maison et de porter tous ces objets à bord des bateaux. En ce moment, le soleil dardait ses plus ardents rayons et la chaleur du jour dévorait ce qui restait immobile dehors. Ching Tong réunit les gens de sa maison, jeunes et vieux, et tous ensemble, ils s'embarquèrent. Lorsque le soleil plus pâle déclina à l'horizon, des nuages noirs s'amoncelèrent. Une grosse pluie tomba par torrents, et dans la nuit du troisième jour, les eaux du fleuve subitement débordées se précipitèrent au milieu du village. En un instant, habitants et habitations, entraînés pêle-mêle, périrent dans les flots. Environ 20 000 personnes trouvèrent la mort dans cet affreux désastre. Ainsi, cette population qui accumulait sur sa tête une masse de crimes, le ciel voulut qu'elle fût anéantie et disparue victime du fléau. Tandis que Ching Tong et son épouse Chanchi, qui seuls se plaisaient à pratiquer la vertu, il songea à les sauver en les faisant avertir par un homme inspiré. Ce jour-là donc, les 10 grands bateaux de Ching, obéissant à l'impulsion des eaux débordées, furent attirés au milieu du courant du fleuve. Bientôt, les rocs élevés du rivage s'abîmèrent avec fracas au fond des vagues. D'abord, les navigateurs aperçurent un grand singe noir apprivoisé, qui essayait en vain de se maintenir au-dessus des flots, prêt à l'engloutir. À cette vue, Ching dit à ses gens « Tendez-lui de gros bâtons de bambou qu'il puisse saisir. » En effet, le singe, par ce moyen, parvint sain et sauf sur le rivage. Dérivant toujours en ligne droite avec le courant, les bateaux furent portés près d'un arbre flottant sur lequel était un nid de corbeaux. Les petits, à peine éclos, ne prenaient point leur vol, mais l'honnête Ching dit à ses domestiques de les soulever avec des gaffes, et toute la couvée, déployant ses petites ailes, s'enfuit et fut sauvée. Enfin, dans un endroit où le fleuve fait un circuit, ils remarquèrent un homme qui, entraîné par la violence des eaux et sur le point d'être submergé, criait au secours. « Allons vers lui, » dit aussitôt Ching, « courons. Mais, cher époux, objectait Chanchi, n'oubliez pas les paroles prophétiques du bonze, mais si c'est un homme, n'y prenez pas garde. » Qu'importe, répondit Ching, nous avons déjà sauvé des êtres d'un moindre prix, et lorsqu'il s'agit d'un homme, est-ce le cas de se montrer sans pitié? À ces mots, il ordonna d'allonger des bâtons de bambou à l'aide desquels l'inconnu arraché à la mort put gagner le bateau. Puis il lui fit donner des vêtements en échange des siens qui étaient mouillés. Le lendemain, la pluie cessa, et Ching envoya des domestiques vers sa demeure. Que voit-il? Tout le village a été couvert de sable par la violence de l'inondation. La maison de leur maître, bien que fortement endommagée, est la seule qui n'ait pas été détruite par le fléau. Ils rapportèrent cette heureuse nouvelle à Ching Tong, et celui-ci, après avoir chargé des ouvriers de réparer les dégâts, débarqua chez lui, comme il en était sorti, avec tous les siens, grands et petits. Quant à ses voisins, ceux qui revinrent sous leur toit étaient dans la proportion d'un ou 2 sur 10. Cependant, Ching voulut savoir si l'homme qu'il avait sauvé était dans l'intention de retourner dans sa famille. Mais à ces questions, l'inconnu répondit en pleurant. Votre serviteur est le fils du boucher Liao, qui demeurait au pied de l'arcade du lion de pierre. Son nom est Liao Ying. Ses parents ont-ils péri, victimes du fléau? Où sont-ils encore vivants? Il l'ignore, mais la maison qu'il habitait a disparu. Le plus ardent désir de votre serviteur, Seigneur Qing, serait d'être le valet qui porte votre parasol, espérant ainsi vous témoigner sa reconnaissance pour le grand bienfait dont il vous est redevable. « Eh bien, répondit Qing, restez donc près de nous. Vous y serez traité comme un fils adoptif. » Liao Ying accepta cette offre avec les marques du plus respectueux dévouement. Mais le temps vole, rapide comme la flèche. Les jours et les mois passent, comme la navette du tisserand. Depuis la moitié d'une année, Qing était de retour dans sa maison. Lorsque la mère de l'empereur, résidant à Chongqing, la princesse Chang, perdit un précieux cachet de jade, sans qu'elle pût savoir où il avait été égaré. Aussitôt, l'empereur Jin Song fit afficher dans toutes les provinces un édit portant que quiconque désignerait le lieu où se trouvait le cachet perdu serait promis à un grade élevé dans la magistrature. Or, cette nuit-là, Qing vit en rêve un homme inspiré qui lui dit « Aujourd'hui, l'impératrice a égaré un cachet de jade. Cet objet précieux est tombé dans le bassin de porphyre octogone, au fond du palais réservé. Instruit des vertus secrètes qui vous honorent, le maître du ciel m'envoie tout exprès pour vous donner cet avis. Faites partir votre fils pour la capitale, afin que, par cette déclaration, il obtienne la récompense promise. » À son réveil, Qing Tong racontait à sa femme le rêve qu'il venait d'avoir. Quand les gens de la maison vinrent apprendre qu'à la porte du préfet de Changchun était affichée une déclaration entièrement conforme au rapport entendu pendant la nuit de la bûche de l'être surnaturel, la joie de Qing fut à son comble, et il voulait envoyer son fils chercher à la capitale la magistrature promise par l'édit. Mais sa femme s'y opposa. « Nous n'avons qu'un enfant, disait-elle. Devons-nous le laisser s'éloigner de nous? La fortune et la noblesse sont des choses que le ciel donne avec la naissance. Croyez-moi, cher époux, n'espérez rien de cette affaire. » Comme elle parlait ainsi, Liao Ying s'approcha de ceux dont il était le fils adoptif. « Votre jeune fils, leur dit-il, n'a point encore acquitté envers vous la dette de la reconnaissance. » Puisqu'un envoyé céleste est venu vous donner cet avis, il me serait bien doux d'aller à la capitale à la place de mon frère. Si la déclaration faite à sa majesté me vaut une récompense quelconque, je reviendrai la déposer aux mains de votre cher fils. » Cette proposition plut beaucoup à Cheng Tong, qui fournit l'argent nécessaire au voyage et ordonna les préparatifs. Le lendemain, Liao Ying, tout disposé à se mettre en route, fit ses adieux à sa famille adoptive. Le vieux Qing lui renouvela à plusieurs reprises ses recommandations. « Si l'affaire réussit, lui dit-il, ne sois pas ingrat. » Le jeune homme promit et s'éloigna. Il partit donc dans la direction de Chongqing, arriva bientôt aux portes de la ville et se rendit enfin à l'entrée du palais impérial. Là, il remit une demande d'audience aux gardes qui l'introduisirent près du maître des requêtes. Et Liao Ying, ayant décliné ses noms à ce magistrat, lui déclara le lieu où se trouvait le cachet perdu. Le maître des requêtes fit immédiatement conduire l'étranger à l'hôtel des postes, en le priant d'attendre au lendemain, et se hâta d'aller communiquer à l'empereur une nouvelle si importante. Jin Tong manda l'impératrice mère et l'interrogea à ce sujet. La princesse se souvint qu'étant allée en compagnie des jeunes filles du palais admirer l'éclat de la lune pendant une belle nuit d'automne, elle s'était approchée du bassin de porphyre octogone, et en plongeant sa main dans l'eau, elle s'était laissée choir par mégarde. En effet, une des filles de sa suite, ayant reçu l'ordre de descendre dans le bassin pour s'assurer du fait, le cachet s'y trouva. Aussitôt, l'empereur fit venir Liao Ying au palais et lui demanda comment il avait été informé de la présence du cachet au fond du bassin de porphyre. Le jeune homme parla sans mystère, et dit à sa majesté qu'un avis lui avait été donné en songe par un être surnaturel. « Je vois bien, s'écria alors Jin Tong, que vous avez accumulé des mérites secrets. » Là-dessus, il décora Liao Ying du titre de second gendre de l'empereur et lui donna pour épouse la seconde fille de l'impératrice. le fils adoptif de Ching Tong, témoigna au prince la reconnaissance dont il se sentait pénétré. Son bonheur et sa joie étaient à leur comble. Quelques jours après, l'empereur fit disposer le palais du Fu Ma, gendre de sa majesté, qu'il affecta pour résidence à Liaoyin. Arrivé tout d'un coup au fait des honneurs, des dignités et du pouvoir, le jeune ingrat oublia entièrement ses anciens bienfaiteurs. Cependant, depuis qu'il était parti, et il y avait de cela 2 mois, Ching Tong attendait matin et soir, avec une extrême impatience, quelques nouvelles de Liao, lorsque, sur ces entrefaites, un homme venu de la capitale répandit le bruit que ce même Liao, élevé à la dignité de gendre de l'empereur, était environné d'une grande gloire. D'après cela, Ching se décida à envoyer son fils Cui Wen, accompagné d'un domestique affidé, vers Liaoyin. Le fils respectueux prit congé de ses parents et se dirigea vers la résidence impériale. Il ne tarda pas à arriver au but de son voyage. Il chercha immédiatement une hôtellerie où il put descendre, et dès le lendemain, se rendit aux portes du palais du Fu Ma pour avoir des informations. Au moment où il se présentait à l'entrée de l'hôtellerie, des coureurs arrivèrent en criant d'une voix hautaine « Place, voilà sa seigneurie !» Cui Yuan se tint debout à côté de la porte, attendant Liaoyin au passage. Celui-ci parut bientôt monté sur un cheval. Il s'avançait rapidement dans la direction du palais. Mais, dès qu'il aperçut son frère qui s'approchait avec l'intention évidente de le reconnaître, il s'écria d'une voix courroucée « Quel est cet audacieux qui ose insolemment me barrer le chemin ? À moi, garde, saisissez-le !»« Frère, frère !» interrompit Cui Yuan. « Pourquoi donc me refuser connaissance ?» Mais le nouveau seigneur, toujours furieux, se contenta de répondre « Est-ce que j'ai un frère ?» Et, sans plus d'explication, Cui Yuan, entraîné dans le palais, subit le châtiment terrible de la bastonnade. Il reçut 30 coups. Quelle horreur ! La violence du supplice avait déchiré en lambeaux la peau et la chair de cet infortuné. Le sang ruisselait sur tout son corps, et dans cet état, il fut jeté en prison. Informé des mauvais traitements dont on accablait son maître, le domestique, qui était resté à l'hôtellerie, accourut et demanda la permission de le voir. Elle lui fut refusée. Cui Wen avait raconté sa douloureuse histoire au geôlier, et ceux-ci, émus de compassion, s'empressèrent de lui procurer quelque soulagement. Mais, hélas, élevé au sein de l'aisance, pouvait-il résister à un changement de situation si cruel et si inopiné ? En proie aux tourments de la faim et de la soif, il aurait bien voulu porter à sa bouche un mets savoureux, quand tout à coup, un singe franchit la porte et entra dans la prison. Il portait un peu de viande cuite qu'il présenta au captif. À la vue de l'animal, Cui Wen se rappela ce qu'avait fait son père à l'époque de l'inondation et trouva que ce singe ressemblait beaucoup à celui qu'il avait sauvé ce jour-là. Il prit donc et mangea cette viande. Quelques jours s'écoulèrent, au bout desquels le singe reparut avec des vivres, et il continua ainsi de pourvoir aux besoins de Cui Wen. À force de le voir, les geôliers connurent la cause qui le faisait agir, et ils se disaient « Voyez, les animaux sont susceptibles de reconnaissance, tandis que l'homme est ingrat. » Le singe ne cessait donc pas d'aller et de venir. Lorsqu'un jour, de l'autre côté de la muraille, arrivèrent une dizaine de corbeaux qui, tous, rassemblés dans la prison, se mirent à pousser des cris douloureux. « Ce doivent être là, » songea Cui Wen, « les oiseaux auxquels mon père a sauvé la vie. » Et il ajouta à haute voix, « Si vous avez pour moi quelque pitié, allez de ma part auprès de mon père et de ma mère leur porter une lettre. » Les corbeaux comprirent sa pensée, et ils se mirent à battre des ailes devant le prisonnier. Alors, grâce aux pinceaux et aux papiers que les geôliers lui avaient procurés, Cui Wen écrivit un billet, qu'il attacha à la patte d'un des corbeaux, et l'oiseau prit immédiatement son vol. Il lui fallut peu de temps pour se rendre à la demeure du vieux Ching Tong. Assis à côté de sa femme, celui-ci s'étonnait avec elle de ce qu'il n'arrivait aucune nouvelle de leur enfant chéri. Tout aussitôt, un oiseau vient s'abattre sur le bord de la table. Ching, étonné, ne sait que penser. Il regarde la patte du corbeau, une lettre y est attachée. Il ouvre avec empressement. C'est l'écriture de son fils. Ce billet lui fait connaître l'ingratitude de Liaoyin et les maux que Tsui souffre dans sa prison. À la lecture de cette lettre, Ching éclate en sanglots, et quand la pauvre mère apprend la cause de cette douleur, elle mêle ses larmes à celles de son époux. « Je vous l'avais bien dit dès le commencement, » s'écrie-t-elle. « Il ne fallait pas garder cet homme. Maintenant, les bienfaits ont engendré une inimitié terrible. Notre fils est plongé dans un abîme de maux et, qui sait, hélas, s'il sera possible de l'en tirer. » Ainsi, ajouta Ching, les animaux ont connu la vertu et lui, qui a un cœur d'homme, il a pu arriver à cet excès de perversité et d'ingratitude. Eh bien, il faut que j'aille moi-même à la capitale, afin de savoir si tout ceci est vrai ou faux. Allez, lui répondit Chang-Chi, votre fils est dans la douleur, hâtez-vous, courez. Dès le lendemain, Ching, ayant disposé ses bagages, dit adieu à sa femme et partit. En peu de temps, il arriva à la capitale, chercha un logement et, dès que le jour parut, il se mit à parcourir la ville pour avoir des nouvelles. Lorsque le domestique qui avait accompagné son fils s'offrit subitement à ses regards. Couvert de haillons, le pauvre homme allait mendier aux portes. Il n'eut pas plutôt aperçu son maître qu'il se précipita dans ses bras en fondant en larmes. Ching Tong, suffoqué par la douleur, le questionnait avec empressement. Il apprit de lui tous les détails de cette fatale aventure. Toutefois, il se refusait à y croire. Il voulait courir au palais, pénétrer jusqu'à Liao Yin et le voir, mais le fidèle serviteur le retint de toutes ses forces et l'empêcha de partir. Il redoutait pour son maître la violence du nouveau prince. Pendant ce temps, on annonça que le gendre de l'empereur allait passer, et toute la population fuyait devant son cheval. Ching Tong se plaça debout, en face de l'autel pour l'attendre, et dès que le parvenu fut arrivé près de lui, le vieillard s'écria « Liao Yin, mon fils, aujourd'hui que vous êtes riche et comblé d'honneur, avez-vous oublié votre père ?» Le Fu Ma leva les yeux, et reconnaissant son bienfaiteur, il passa sans détourner la tête. Cependant, le vieux Ching s'attachait au pas de son cheval et courait après lui. Il parvint jusqu'aux portes du palais qu'on ne lui permit pas de franchir. Emporté par la colère, le vieillard s'écriait « Que tu ne me reconnaisses point, passe encore, mais pourquoi fais-tu endurer à mon fils de si cruels tourments au fond d'un cachot » Là-dessus, il se rendit au palais du juge Pao Kong pour y déposer une requête d'accusation. Précisément, Pao Kong revenait de brûler des parfums dans le temple. Ching se jeta à genoux à la tête de son cheval et lui présenta sa pétition. Après l'avoir introduit dans le palais, le juge adressa des questions détaillées au pauvre vieillard, qui raconta l'aventure non sans verser bien des larmes, tant la douleur l'accablait. « Restez ici, dans mon hôtel, » lui dit Pao. Et il envoya un huissier du tribunal à la prison s'informer auprès des geôliers s'ils avaient sous leur garde un individu nommé Tzu Wen. « Oui, oui, » dirent ces derniers, « tel jour, tel mois, on l'a mis au cachot, toute nourriture lui est refusée, et il est traité avec la dernière cruauté. » Aussitôt, Pao Kong ordonna aux geôliers de cesser toute rigueur à l'égard du captif. Et le lendemain, il députa des huissiers auprès de Liao Yin, le Fu Ma, pour le convier à un banquet dans son hôtel, invitation à laquelle le fier parvenu s'empressa de répondre. Après avoir conduit son convive dans la salle du fond, Pao prescrivit aux gardes armés de se tenir à la porte et de ne laisser entrer ni sortir qui que ce fût. Dociles aux volontés du maître, ils se placèrent à leur poste. Vers la fin du repas, et on avait bu largement, Pao Kong demanda avec un accent de colère simulé pourquoi on ne versait plus de vin. Le majordome répondit que tout était bu. « Ah !» répliqua Pao Kong en riant, « il n'y a plus de vin. Eh bien, apportez de l'eau, qu'à cela ne tienne. » Les domestiques obéirent. Et bientôt, on servit une grande cruche. Le ministre épuisa, remplit une tasse copieuse et la présenta à Liao Yin, en lui disant « Illustre Fu Ma, grand homme, conformez-vous aux circonstances et buvez. Pao Kong me manque, songea Liao Yin. Puis, élevant la voix avec colère, Seigneur juge, dit-il, vous aimez à plaisanter. Sa Majesté m'a ennobli et revêtu d'une charge. Tout le monde me respecte. Pourquoi donc m'inviter à boire de l'eau au lieu de vin ? Noble Fu Ma, répondit Pao Kong. « Ne vous formalisez pas. Si tous les magistrats témoignent du respect à votre grandeur, il est un certain Pao qui se permet de vous mépriser. Cette année même, il y a 6 mois, vous avez bu un fameux coup dans le fleuve. Ne pouvez-vous par hasard avaler cette coupe ? Ces mots firent frissonner Liao Yin de la tête aux pieds. Et tout à coup, Qian Tong s'avança vers lui, le montra du doigt et s'écria en le maudissant : « Monstre d'ingratitude, vil scélérat, après avoir trop longtemps abusé de mes bienfaits, maintenant tu abuses des faveurs de l'empereur. J'espère que le grand ministre daignera me rendre justice. » À un signe de Pao Kong, on saisit Liao. Il est dépouillé du bonnet et de la ceinture, un signe de sa dignité. Ensuite, on l'étend sur les degrés du palais et on lui donne 40 coups de bâton afin de le forcer à avouer son crime. Liao Yin vit bien que cela tournait mal pour lui. Il déchargea donc sa conscience et fit des aveux complets. Pao Kong voulut qu'on mit au cou du misérable la cangue la plus rude, puis on le jeta en prison. Le lendemain, le juge présenta à ce sujet une requête à l'empereur. Jin Song, ayant fait appeler Qing, le reçut dans son palais, l'interrogea avec bonté et écouta le récit de cette étrange aventure. « Puisque votre vertu, dit alors le prince en donnant de grands éloges au vieillard, s'est distinguée d'une manière si éclatante, votre fils recevra le titre de noblesse du premier rang avec une charge qui lui donne des appointements, et dès demain, nous le proclamerons d'une manière officielle. » Qian Tong se retira après avoir exprimé sa reconnaissance à l'empereur. Le lendemain, l'ordonnance promise fut publiée. Liao Yin, qui, paré des mérites d'autrui et oubliant tout sentiment d'équité, s'était montré ingrat et cruel, fut condamné à la peine de mort. Sui Wen reçut le titre de commandant militaire sous le district de Wuyin, et il devait ce jour même monter à cheval pour se rendre au lieu de sa charge. Quant à son père, qui pendant toute sa vie s'était plu à la pratique du bien, un édit particulier ordonna au magistrat d'élever en son honneur une arcade destinée à conserver le souvenir de ses vertus. Conformément à la teneur du décret impérial, Pao Kong fit sortir de prison Zhu Wen et lui remit, avec le bonnet et la ceinture, le diplôme de sa nomination. Le nouveau magistrat partit donc pour le lieu de sa résidence. Au solstice d'hiver de la même année, le coupable Liao Yin fut décapité.